Toujours pour marquer le 400e anniversaire de la mort de William Shakespeare, voici, en 30 minutes environ, de la chose extraite de sa tragédie, écrite en 1605, Le Roi Lear, traduite en français par François-Marie Hugo, un des fils de Hugo. Extrait choisi, résumé et enregistrement de Jean-Paul Lexis, mars 2016. Étant donné la complexité de cette tragédie, je n'ai pas hésité à occulter certains passages pour une meilleure lisibilité. Les spécialistes du théâtre shakespearien voudront bien me le pardonner. De même que les spécialistes de la langue de Shakespeare sauront être indulgents pour mes défaillances linguistiques.